إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah ou ta'ala l'explication en langue française du livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna lil-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On est donc toujours dans la partie des réfutations de ce qu'ont avancé les gens de l'innovation à propos des gens de la sunna pour ce qui est de faire dévier an-nusus, c'est-à-dire donc les textes, de leur apparence en ce qui concernait donc un nombre de versets du Coran, également les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'est arrêté au 12e exemple que le shir il nous a cité. Fayaqul rahimahullah al-mithal al-thani ashar qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi anillahi ta'ala annahu qal man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an ومن أتاني يمشي أتيته هرولا أتيته هرولا. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد باب الخامس عشر. Ce hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, également par l'imam Al-Bukhari, que ce soit sous la version rapportée par le Sahabi Al-Jalil Abu Dhar, également Abu Huraira, que ce soit donc auprès de l'authentique de l'imam Muslim ou de l'authentique de l'imam Al-Bukhari, c'est un hadith qui est incontestablement authentique. Et qui est la parole suivante que rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit, subhanahu wa ta'ala, « Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an » Celui donc qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. « Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an » Et celui donc qui va se rapprocher de moi d'une coudée, je vais me rapprocher de lui, ou je me rapproche de lui d'une brassée. ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. Et celui qui me vient en marchant, je viens à lui hâtivement, empressé. Il nous dit le shir ensuite à propos de ce hadith, donc qui est clair par rapport à sa signification. وهذا الحديث كغير من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آية ربك وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. طيب فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيت هرولا من هذا الباب والسلف وأهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها على الظاهرها وحقيقة معناها اللائقة بالله والسلف أهل السنة. طيب donc le cheikh ici il nous dit que ce hadith là il est comme les autres hadiths ou les autres textes que ce soit du Coran ou de la Sunna qui nous prouvent qu'Allah Azza wa Jal il accomplit donc des actes, ces actes là que le cheikh il cite en étant ikhtiyariya, donc ikhtiyariya par choix, par choix. C'est pour ça qu'il dit le cheikh على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. الاختيارية donc les actes qui sont du choix d'Allah Azza wa Jal. الاختيار ici on le comprend comme étant les actes qui sont donc propres à la volonté d'Allah Azza wa Jal, qui sont propres à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on sait il n'est contraint de rien subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit donc ikhtiyariya, ce n'est pas pour avoir un opposé qui serait Al-Ijbariya, donc contraint à faire. Allah Azza wa Jal, c'est lui seul qui se contraint lui-même à faire une chose s'il veut la faire, ou qu'il s'oblige une chose. Donc ici, ma'na al-Ikhtiyariya, les actes qui donc rentrent sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu donc qu'il y avait des attributs, en revenant aux attributs d'Allah Azza wa Jal, des attributs qui étaient, comme on avait dit, dhatiya, des attributs qui étaient fi'liya. Donc des attributs qui étaient propres, qui entraient sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tayyib. Ici donc, c'est bien qu'Allah Azza wa Jal a fait ses actes suivant donc sa volonté. Donc il rend ces actes-là sous sa volonté. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, wa annahu subhanahu fa'alu lima yurid, kama thabata fil kitab wa sunnah. Donc il est celui qui fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Fa'alu lima yurid. Donc on voit ici al-irada. On voit ici al-irada. Donc d'où le terme al-ikhtiyariya. Donc al-ikhtiyariya bimana bil-irada, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il fait suivant sa volonté comme il veut subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal il n'est contraint par absolument rien du tout subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit le shir que ces actes qui sont du choix d'Allah Azza wa Jal, il y en a de nombreux dans le Coran et dans la Sunna également. Et c'est pour ça que il nous a cité ces versets. Le premier, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal ici, il répond. يُجِيبُ الدَّعْوَةَ. يُجِيبُ الدَّعْوَةَ. C'est-à-dire donc qu'il répond à l'appel de ses serviteurs lorsqu'il l'invoque. Et donc, بِيَخْتِيَارِي, c'est-à-dire de par son choix, il répond à ses serviteurs subhanahu wa ta'ala, également à sa parole. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Donc Allah Azza wa Jal quand il voudra il viendra, c'est également ikhtiyaru minhu, c'est-à-dire un choix de sa part. Il fait ce qu'il veut, quand il viendra il voudra venir, il viendra. Wa qawlu hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'd ayati rabbik. Qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent, que vienne ton Seigneur, ou que viennent certains signes de ton Seigneur. Donc ici également Allah Azza wa Jal quand il viendra également ici al maji, c'est-à-dire donc l'attribut de la venue d'Allah, de la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, al maji, et il viendra quand il voudra subhanahu wa ta'ala, au moment où il voudra subhanahu wa ta'ala. Hadha bi-ikhtiyari, c'est donc de par sa volonté, de par son choix subhanahu wa ta'ala. Également wa qawlu ar-rahman wa 'ala al-'arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi donc sur son trône. Donc Allah Azza wa Jal lorsqu'il a voulu s'établir sur son trône, il s'est établi sur son trône subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu sallallahu alayhi wa sallam yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir. Également ici dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté bien entendu par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim également. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que notre Seigneur descend au ciel de la vie d'ici-bas, au ciel de la vie d'ici-bas, de cette dunya. حِنَ يَبْقَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Donc cette descente d'Allah Azza wa Jal, c'est de par son choix, subhanahu wa ta'ala. C'est de par son choix et suivant sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Également, wa qawlu sallallahu alayhi wa sallam, مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ. C'est-à-dire qu'une personne, quelconque, lorsqu'il fait une sadaqa, lorsqu'il fait une aumône, min tayyib, et qu'il le prend d'une chose qui est bien, une chose qui est pure, min tayyib, wa la yaqbalu Allah illa at-tayyib, et Allah Azzawajal n'accepte pour ce qui est des aumônes que ce qui vient de ce qui est pur, de ce qui est pur, illa akhadhahu ar-Rahman bi yamini, sans que le tout miséricordieux l'apprenne de sa main droite, l'apprenne de sa main droite, subhanahu wa ta'ala. Également ici, encore comme il nous dit le shirk, il a réalisé ذلك من الآيات والأحاديث والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. Donc, également, encore un hadith qui est dans la même lignée des autres versets et des hadiths qui nous a cité le shirk et qui nous prouve que Allah Azza wa Jalla, donc il accomplit des actes qui sont de son choix, qui sont reliés à sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Comme dans ce hadith, donc, hadith al-bab, من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا الحديث. Ensuite le shir va nous dire فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيت هرولا من هذا الباب. C'est-à-dire donc dans ce hadith قدسي, et on voit donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, من تقرب مني شبرا تقربت منه, تقربت منه, donc ce soit ذراعا pour le premier ou ensuite باعا pour le deuxième. Donc ici le lafz, donc le texte, taqarrabtu minhu, c'est-à-dire je me suis rapproché de lui. Donc Allah Azza wa Jalla ici, il s'est rapproché de son serviteur. Taqarrabtu minhu. Donc ici, taqarr. Et également, fil lafz al-hadith, wa ataytu harwala, c'est-à-dire que je viens vers lui en m'empressant. Il nous dit également donc, ces paroles dans ce hadith, al-Qudsi, rentrent dans la même lignée de ce qu'il a cité auparavant le shirk, en prenant comme exemple des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la preuve et l'indication qu'Allah Azza wa Jalla accomplit des actes qui sont dits ikhtiyariya, c'est-à-dire de son choix et qui sont propres à sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Donc ici c'est de même, et il nous dit le shirk, wa salaf ahl sunnati wal jama'a yujruna hadhihi an-nusus 'ala adh-dhahiriya wa haqiqati ma'naha al-la'iq billahi 'azza wa jalla min ghayri takyifin wala tamthil. Donc il nous dit que les salaf, les prédécesseurs, les gens de la sunna et du consensus, ils acceptent et ils prennent tel quel ces textes-là. Yujurun hadhi nusus ala dhahiriya, donc suivant leur apparence et suivant leur sens réel. Leur sens réel qui est bien entendu propre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est propre à lui subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, comme on l'a vu tout au long de l'étude de ce livre, min ghayri takyifin wala tamthilin, sans qu'il y ait d'anthropomorphisme ou sans que l'on explique le comment, que l'on rentre dans le comment des attributs. Ensuite il va nous citer cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il nous dit le Cheikh, qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi sharh hadith al-nuzul, donc dans l'explication qu'il a fait du hadith al-nuzul et qu'il a cité le shir dans les exemples, min majmou' al-fatawa, qui se trouve donc fi majmou' al-fatawa. Il nous dit wa amma dunuhu nafsuhu wa taqarrubuhu min ba'd 'ibadi fa hadha yuthbitu man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyya bi nafsihi wa maji' yawm al-qiyamati wa nuzuli wa istiwa'ihi 'ala al-'arsh wa hadha madhhab a'immat as-salaf wa a'immat al-islam al-mashhurin wa ahli al-hadith wa an-naql 'anhum bi dhalika mutawatir wa an-naql 'anhum bi dhalika mutawatir. Donc il nous dit, Cheikh al-Islam, rahimahullah, ce qui concerne le rapprochement de par lui-même, subhanahu wa ta'ala, de par le Seigneur lui-même, c'est-à-dire, amma dunuhu nafsu wa taqarrubu min ba'di ibadi. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de par lui-même de certaines de ses créatures, il nous dit, fahada yuthbituhu man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariya bi nafsihi. C'est-à-dire donc, ceux qui vont attester cela, c'est ceux qui vont donc attester, ou c'est ceux qui ont attesté les actes, ou l'accomplissement des actes de son choix, subhanahu wa ta'ala, propre à sa volonté, al-ikhtiyariya, binafsi. De même pour ce qui était donc, il nous dit le shirk, wa maji'i yawm al-qiyama, wa nuzuli wa istiwa'i al-arsh, pour ce qui est également de la descente d'Allah Azza wa Jal, pour ce qui est également de son établissement sur le trône. Il nous dit cela, c'est le madhab des imams parmi les salafs, des imams de l'islam qui sont connus, des gens du hadith, et il nous dit ce qui est rapporté de mutawatir, donc ce terme qu'on a déjà expliqué maintes fois. Là s'arrête la parole du shir, rahimahullah, et ensuite il nous dit fa ayyu mani'in yamna'u min al-qawli bi annahu يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه. Donc il nous dit, qu'est-ce qui va nous empêcher? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher? Et qu'est-ce qui nous empêche de dire qu'Allah Azza wa Jal, il se rapproche de son serviteur comme il veut, alors qu'il est en même temps aux cieux, subhanahu wa ta'ala, son trône, ma'a'ulouhi, donc avec son élévation. Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de ses créatures, et en même temps il se rapproche d'eux, comme il veut, kayfa yasha. Donc il n'y a rien qui peut empêcher cela. Qui peut dire que cela est impossible en droit d'Allah Azza wa Jal? Et il nous dit, وَأَيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ إِتْيَانِهِ كَيْفَ يَشَاءُ بِدُونَ تَكْلِيفٍ وَلَا تَنْفِيرٍ. Et qu'est-ce qui nous empêche de dire qu'Allah Azza wa Jal, il vient, إِتْيَانُ, donc sa venue, et comme il veut, subhanahu wa ta'ala, comment lui il veut. Sans même qu'on rentre dans le comment donc de cette venue, et que l'on ne l'assimile donc à la venue des créatures. On fasse donc un acte de tamfil, d'anthropomorphisme. Il nous dit, وَهَلْ هَذَا إِلَّا مِنْ كَمَالِهِ أَنْ يَكُونَ فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ. Et il nous dit le shir, belle, cela en réalité ça fait bel et bien partie de sa perfection subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut, parce qu'Allah Azza wa Jalla est parfait, il fait ce qu'il veut, et il le fait suivant l'aspect qui est propre à lui, عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ. Donc ça c'est une question qui est plus que claire quant à sa réponse. Et c'est en réalité, comme on l'a vu tout au long du livre, le madhab des salaf, le madhab des sahaba, le madhab des tabi'in, de tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à nos jours, parmi les gens de la sunna du consensus. وَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَّا أَنَّ قَوْلُ تَعَالَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْقُدْسِ أَتَيْتُ هَرْوَلَ يُرَادُ بِهِ سُرْعَةُ قُبُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِقْبَالِهِ عَلَى عَبْدِ الْمُتَقَرِّبِ إِلَيْهِ الْمُتَوَجِّ بِقَلْبِي وَجَوَارِحِهِ وأن مجازة الله للعامل له أكمل من عمل العامل وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث ومن أتاني يمشي ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه ووساجد بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى والطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربي وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل وصار هذا هو الظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. Donc le cheikh va nous rapporter un avis qui a été donné par rapport à ce hadith, sans qu'il cite qui précisément. À la kulli hal, il nous dit que certains parmi les gens, ils ont eu cet avis que dans ce hadith, et plus précisément la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith, ataytu harwala, c'est-à-dire que je viens vers mon serviteur en m'empressant activement. Il nous dit le shir, cet avis donc, en rappelant l'avis de certaines de ces personnes, yuradu bihi sur'atu qubulillahi ta'ala wa iqbalihi ala 'abdi al-mutaqarrimi ilayhi al-mutawajjihi biqalbi wa jawarihi. Il nous dit donc, où Allah Azza wa Jalla, il veut par là, de par cette love, la rapidité de l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que donc il accepte de son serviteur al-mutaqarrimi ilayhi, celui donc qui s'est rapproché de lui, celui qui s'est dirigé vers lui de par son cœur et également de par ses membres. Ça donc, ça se fait rapidement. Sourate al-Qubul. Donc al-Maqsoud ici, Sourate al-Qubul wa al-Iqbal. Donc Allah Azza wa Jalla, il accepte de manière rapide ce qui vient de son serviteur, celui qui s'est rapproché de lui et celui qui a dirigé son cœur et ses membres vers lui. Et il nous dit le shir également, en rapportant l'avis de ces gens-là, que la rétribution, وَأَنَّ مُجَازَاتَ اللَّهِ لِلْعَامِلِ لَوْ أَكْمَلُ مِنْ عَامِلِ الْعَامِلِ. Et que donc, la rétribution d'Allah Azza wa Jal pour celui qui a accompli l'acte est plus complet que l'acte en lui-même. C'est-à-dire que la personne, elle a fait un acte avec l'ikhlas et qu'Allah Azzawajal l'a accepté. Et que la rétribution d'Allah Azzawajal, elle va être meilleure et plus complète que l'acte en lui-même qui a été fait. Et ils ont donné la cause de cette interprétation par des termes qui sont employés dans ce hadith et qui sont les suivants: ومن أتاني يمشي, celui qui vient en marchant, celui qui me vient en marchant, ومن أتاني يمشي. Donc comme il est dans le hadith, comme il est cité dans le hadith, et nous dit le shir, ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه, donc il est connu que celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherche donc à parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala de par donc ses actes, لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط. C'est-à-dire qu'il ne fait pas cela uniquement بالمشي, uniquement en marchant. Il nous dit, il se peut que ce soit en marchant, comme le fait d'aller aux mosquées, ou comme le fait de marcher durant les rites du Hajj, ou également nous dit والجهاد في سبيل الله, durant également la guerre sainte dans le chemin d'Allah عز وجل, et ce qui va dans ce sens. Mais également, il nous dit وَتَارَةً بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ, mais également des moments par l'inclinaison, par la prosternation. Mais à ce moment-là, il n'est pas en train de marcher, mais il est en train de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal de par ce recours, de par ce sujoud. Et il nous dit le shir, donc, en rapportant un exemple à cela, وَقَدْ ثَبَتَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَوَسَاجِدِ, c'est-à-dire que l'homme ou le serviteur, il est le plus proche de son Seigneur, il est plus proche de son Seigneur au moment où il est le plus proche de son Seigneur au moment où il est sajid, c'est-à-dire au moment où il est prosterné. Donc, au moment de la prosternation, c'est au moment où l'homme il est le plus proche de son Seigneur. Et il nous dit, بَلْ قَدْ يَكُونَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَطَرَبُ الْوُسُولِ إِلَيْهِ وَالْعَدْمُ التَّجِعَ عَلَى جَنْبِهِ. Il se peut même donc que la personne, elle se rapproche d'Allah Azza wa Jal et elle cherche à parvenir à lui subhanahu wa ta'ala alors qu'il est couché sur son côté, comme dans ce verset du Coran, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, qui debout assis couché sur leur côté invoque Allah. Donc l'abd, il peut être donc couché sur son côté et il fait du dhikr, il fait du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et de par cet acte-là, l'acte de sa langue et de son cœur, il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et également, à l'exemple de ce hadith, où le prophète sallam a dit, As-sahabi Imran ibn Hussein, radiallahu ta'ala anhu, salli qa'iman, c'est-à-dire prie debout. Fa'in lam tastati' fa qa'idan, si tu ne peux pas, alors fais-le assis. Fa'in lam tastati' fa 'ala janbin, et si tu ne peux pas, donc fais-le sur le côté, en étant donc couché sur le côté. Ça, il est permis lorsque la personne n'a pas la capacité pour ce qui est de la prière. Donc à ce moment-là, elle va se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla dans cette position, c'est-à-dire donc dans la dernière position qui est le fait d'être couché sur le côté. Taban ici, le shir, il rapporte donc l'avis de ces gens-là. Donc il fait simplement ici un naqr, il rapporte ce qu'eux ils disent en réalité. فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل وصار هذا والظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. Il nous dit donc que le shir, il nous dit donc ici en rappelant cet avis que le murad de par ce hadith, c'est la mise en évidence de la rétribution d'Allah Azza wa Jal pour ce qui est de l'acte du serviteur. Et que celui qui était sincère, fil iqbal ala rabbihi, donc du fait de se diriger vers son Seigneur, de par ses actes, tenter de se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, et même s'il est lent, c'est-à-dire fil ada, s'il est lent dans l'accomplissement de ces actes-là, Allah Azza wa Jal, il va le rétribuer de manière parfaite, encore plus complet que l'acte en lui-même, et de manière donc meilleure de l'acte en lui-même, c'est-à-dire qu'il va donner une récompense encore plus grande de ce que méritait cet acte même. Et il nous dit donc à ce moment-là, Allah, donc le texte employé dans ce hadith, il donc reste sur ce qui est al-zahir, il reste donc sur son apparence. بِالْقَرِينَةِ الشَّرْعِيَةِ Donc de par l'indication qui est présente dans le hadith, comme ça a été expliqué précédemment. أَلْمَفْهُومَةِ مِنْ سِيَاقِي qui était donc comprise, cette indication qui était donc comprise, suivant le contexte du hadith et suivant l'exposition du hadith. Et donc il nous dit, si donc cela est le texte apparent, بِالْقَرِينَةِ الشَّرْعِيَةِ donc de par cette indication, conformité avec le texte en lui-même, لَمْ يَكُنْ تَفْسِيرُهُ بِخُرُوجًا بِعَنْ ظَهِرِي donc le texte ici, ou l'explication qui en a été faite, on n'est pas sorti de par cela, on n'a pas dévié de par cela de l'apparence du hadith, et qu'on n'a pas donc fait une interprétation comme l'interprétation qu'en ont fait les gens Ahl-Tahtil, les gens donc qui ont renié les attributs d'Allah Azzawajal. Donc ce n'est pas une preuve pour eux. فَلَا يَكُونَ حُجَّةٌ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ السُنَّةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ Ensuite ici le cheikh va nous dire تَعَقُبًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ c'est-à-dire donc en rectifiant et par critique de cette parole il nous dit وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا الْقَائِلُ لَوْ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ لَوْ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ لَكِنَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ وَأَسْلَمُ وَأَلْيَقُ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ Il nous dit donc, même si cette parole, si elle peut être prise en considération par rapport à ce qui est expliqué, il nous dit le shir que la première parole, c'est-à-dire la parole qui est de prendre le texte tel qu'il est par rapport donc aux attributs d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal, réellement, il s'empresse comme il veut, et il s'empresse de venir vers son serviteur, et il se rapproche de son serviteur, comme dans les cas, que ce soit donc par coudé ou par brassé, comme cela a été précisé dans le hadith. Et il nous dit donc c'est plus proche, ou aslam, ou avhar, il est plus apparent, également plus sain, ou al-yaqub madhab salaf, et donc plus propre au madhab des salaf, des pieux prédécesseurs. Et il nous dit ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطرب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي للمساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم. Donc ici le cheikh va répondre tout simplement à l'indication, al-qarina, ce qu'on appelle donc al-qarina tu shari'a, qui était cité précédemment. On sait que al-qarina, elle peut être présente dans le texte lui-même, ou elle peut être présente en dehors du texte. Ici, bien entendu, elle est présente, cette indication, dans le texte même. Et on a vu comment ils l'ont expliqué. Par rapport donc au love, ataytu, harwala. Et par rapport donc également au texte qui avait été cité, par rapport à masalat taqarrub, le fait donc de se rapprocher d'Allah Azzawajal. Il va nous dire donc, par rapport à cette indication, et de par cette indication, ils ont dit cette parole-là, qui était tout simplement ici, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal était rapide quant à la rétribution de son serviteur, et qu'il le rétribuait de la meilleure des façons, meilleur même que cet acte qu'il avait fait. Il va nous dire, on va répondre donc à cette qarina, à cette indication que eux ils ont attestée, pour pouvoir donc interpréter ce qu'ils ont interprété. Il nous dit le shir, que cette qarina, min kouni taqarrub ila Allah ta'ala wa tarbi al-wusul ilayhi la yahtassu bil mashi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécialement, elle n'est pas spéciale, elle n'est pas spécifique au fait de marcher, bil mashi, mais qu'en réalité le hadith kharaja makhraj al-mithal, c'est-à-dire ici le hadith il a été cité comme un exemple, kharaja makhraj al-mithal, c'est-à-dire ala sabil al-mithal, c'est-à-dire qu'on l'a cité comme étant un exemple, la al-has, mais que cela n'est pas spécifique et uniquement et restreint uniquement au fait de marcher. Fayakun al-ma'na, fayakun al-ma'na. Donc ici la signification, elle est man atani yamshi fi ibadatin taftaqiru ila al-mashi li tawaqqufiha alayhi bi kawnihi wasilatan laha kal-mashi lil-masajid lis-salah aw man mahiyatuha kat-tawaf was-sa'i wallahu ta'ala a'lam. C'est-à-dire donc l'exemple qui était donné, c'est l'exemple de celui qui va marcher dans son adoration. Et cette adoration-là, elle a besoin donc que la personne, pour qu'elle l'accomplisse, que la personne, elle marche. Car elle s'arrête à cet acte-là, le fait de marcher. Elle est donc dans ce sens, voici là, elle est donc dans ce sens un moyen Wasilatan laha, elle est donc un moyen pour accomplir cette adoration. Comme la personne qui va marcher pour aller à la mosquée, donc pour qu'il prie. Et qu'il prie donc dans la mosquée, il faut qu'il sorte de chez lui, qu'il aille à la mosquée, donc il va marcher. Donc ici c'était un moyen pour aller jusqu'à cette, pour accomplir cette adoration dans la mosquée. De même également, il nous dit, lorsque la personne, elle est durant le hajj et qu'elle fait tawaf, ou sa'i, lorsque la personne donc, elle est en train de marcher donc autour de la Kaaba, lorsqu'elle est en train de marcher entre les deux monts, Safa wal Marwa, fi sa'i, wallahu ta'ala a'lam. On s'aperçoit ici, et pour résumer, pour ce qui était de ce hadith, que les gens d'innovation, ils ont bien entendu fait sortir le hadith de son apparence. Ils ont dit, comme ils l'ont fait pour tous les autres hadiths, comprenant al-af'al al-ikhtiyariya, les actes donc du choix d'Allah Azzawajal qui sont propres à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont donc reniés, et de même donc pour ce qui est de ce hadith. Ici en l'occurrence, que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se rapproche de son serviteur, ici à taqarru, et qu'Allah Azzawajal, il vient hâtivement, en s'empressant de son serviteur. Donc, eux, ils ont renié cela. Ce qui est maintenant le madhab des salafs, c'est qu'ils ont attesté cela suivant son zahir, suivant son apparence. Et qu'ils ont dit, Allah Azzawajal se rapproche de son Seigneur. Et nous, on prend ce texte comme il est venu, suivant son apparence. On atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de son serviteur, sans rentrer dans le comment, et sans faire un acte d'anthropomorphie, c'est-à-dire en assimilant cet acte-là à l'acte des créatures. Et que cela rentre dans la lignée des autres sifat d'Allah Azzawajal, qui sont ici des actes propres à sa volonté. Al-af'al al-ikhtiyariya, comme al-nuzul, comme al-istiwa, comme al-ijaba, comme al-maji, etc. Tout ce qui était cité par le shir, rahimahullah. Ça, c'est madhab al-salaf pour ce qui est de ce hadith. Donc Allah Azzawajal, il reste dans son élévation et il se rapproche de son serviteur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shir, rahimahullah, il va nous donner un 13e exemple. Il nous dit والمثال الثالث وعشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. Donc qui est le verset qui se trouve sur la Yassine, qui est le verset 71. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. Il nous dit والجواب. Donc bien entendu ici, comme pour ce qui était de précédemment, à chaque fois, les gens d'innovation, ils avancent et ils prétendent que les gens de la Sunna, ils ont interprété ces textes-là. Donc de même pour ce qui est de ce verset. Il nous dit, wal jawab, an yuqal, ma huwa al-zahir wa hadhihi al-aya wa haqiqatuha hatta yuqal, inna surifat anhu. Hal yuqal, inna al-zahiriya anna Allah ta'ala khalaqa al-an'ama biyadi, kama khalaqa adama biyadi. أيقال إن الظاهر أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. Les gens d'innovation, ils ont dit que les gens de la Sunna, ils ont fait sortir le texte de son apparence. Pourquoi? Parce que dans ce verset, eux, ils ont cru que ce qui était apparent, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il a créé les bestiaux de ses propres mains. Alors que les gens de la Sunna, bien entendu, ils vont attester qu'Allah Azzawajal n'a pas créé les bestiaux de ses propres mains. Il a créé de ses propres mains Adam, comme on l'a vu auparavant dans le verset du Coran, et Michel va y revenir. Donc à ce moment-là, ils ont dit, vu que vous avez dit, pour ce qui était de ce hadith, qu'Allah n'a pas créé les bestiaux de par ses propres mains, donc vous avez fait sortir ou fait dévier le verset du Coran de ce qu'il a indiqué en apparence. Et la réponse, ça va être la suivante du shir. Bien entendu, quel est al-zahir de ce verset, c'est-à-dire donc le sens apparent de ce verset. Est-ce que Allah, il a créé les bestiaux de ses propres mains, ou alors qu'Allah Azzawajal, il a créé les bestiaux comme il a créé toutes les autres bestiaux, tayyib, mais que idafat al-amal ila al-yad wal-murad sahibwa ma'roufun fil lughat al-arabiya, c'est-à-dire que dans la langue arabe, il y a un procédé qui est connu et qui est clair, et qui est répandue, c'est que lorsqu'on annexe un acte à la main, on veut par cela sahibuha, c'est-à-dire son auteur. Son auteur. Mais que ce n'est pas spécifiquement fait par la main ou par les mains. Mais on a annexé aux mains pour indiquer l'auteur, c'est-à-dire l'auteur de cet acte-là. Pas qu'il l'a fait avec ses mains, c'est-à-dire spécialement avec ses mains. Et le shir va nous donner des exemples par rapport à cela. Et c'est en réalité avahir, c'est ici l'apparence du texte. Il va nous donner les preuves, il va ici détailler le shir. أما القول الأول فليس هو الظاهر اللفظ لوجهين. Donc la première parole ce n'est pas ce qui est l'apparence du texte, le fait de dire qu'Allah il a créé de ses propres mains les bestiaux. Pourquoi cela? Donc il va nous répondre par deux aspects. أحدهما, donc le premier, أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن. ألم ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقولوا ذلك بما قدمت أيديكم فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يديه بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. Le shaykh va donc nous répondre que dans le verset du Coran ici أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا. Il va nous dire que سياق الآية, donc le contexte du verset, et que la manière dont il est exposé le verset par rapport à la langue arabe par laquelle est descendu le Coran, et comme on l'a répété maintes et maintes fois ce que cela impliquait, il va nous dire que cela n'implique aucunement qu'Allah Azzawajal il a créé les bestiaux de par ses propres mains. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de versets du Coran, les exemples qu'il nous a donnés, ils sont nombreux, où Allah Azzawajal il va annexer l'acte à la main de la créature alors qu'il ne l'a pas fait spécialement avec sa main. Le premier verset, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Donc ici, tout ce qui va arriver comme malheur à l'homme, c'est ce qu'il a acquis de par ses mains. La réponse, ou alors, l'istidlal ici, est-ce que ça veut dire que l'homme uniquement, c'est ce qu'il a fait avec ses propres mains, uniquement, comme mal? C'est-à-dire le mal qu'il a fait, est-ce qu'il l'a fait uniquement avec ses propres mains, ou est-ce qu'il l'a fait avec ses pieds, est-ce qu'il l'a fait avec sa langue, avec ses yeux, etc. Bien entendu, ici le murad, sahib al-amal, c'est-à-dire l'auteur même de l'acte, et qu'il l'a fait avec tous ses membres, pas uniquement al-yad. Ça, c'est le premier exemple qui nous prouve donc que ça ne veut pas dire ici qu'il l'a fait spécifiquement avec la main ou ses mains, pour ce qui est donc ici des créatures, des hommes. Également le deuxième verset, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc on voit également dans ce verset, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils. Donc on voit ici, de même, que la corruption elle est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Est-ce que c'est uniquement de par leurs mains ou c'est du mal qu'ils ont fait de par leurs membres? La réponse est plus qu'évidente. Donc on voit bien que c'est un procédé linguistique qui est plus que clair. Mais ici, c'était annexé à la main. Mais on veut par là son auteur. C'est-à-dire de ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Pas ce qu'ils ont fait uniquement leurs propres mains, mais de ce qu'ils ont fait eux-mêmes de par tous leurs membres. Tout ce qui rentre dans ce qui est propre à l'être humain. Également, dans l'autre verset, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ. Donc cela à cause de ce que vos mains ont accompli. Donc de ce qu'elles ont accompli, c'est pas uniquement les mains, mais tout ce que l'homme il a fait. Donc ici, maqsoud, sahib al-yadayn, c'est-à-dire l'auteur des deux mains. Et il nous dit le shir, que tout cela donc nous prouve que c'est l'homme qui l'a accompli de par lui-même. Et même s'il l'a accompli par autre que ses mains. Contrairement à un verset du Coran qui va nous dire ici, et ce verset du Coran nous précise que sa belle était bien faite par les mains. Et Car le contexte, il est plus que clair, et la façon dont le texte il est venu est plus que clair également. Et c'est le verset suivant. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى بَاشِرِكِ شَيْءٍ بِالْيَدِ. Ici dans ce verset, malheur donc à ceux qui, de leur propre main, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah. Donc dans un premier temps, le contexte, c'est ceux qui vont écrire et qu'ils le mettent comme venant d'Allah, qu'ils le présentent comme venant d'Allah Azzawajal. Ils le mettent sur le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est eux qui l'ont écrit de leur propre main. Donc bien entendu, ici l'écriture elle se fait par la main. Donc ils l'ont écrit de leur propre main, c'est plus que clair. Mais également, on va voir que ici il y a une particule qui est utilisée, c'est le bas, contrairement à ce qui était cité auparavant. Et c'est ce que va nous prouver également le shir dans la deuxième partie. Athani, donc ça c'est le deuxième aspect. أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيدي لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Donc on voit ici par rapport à la langue arabe que pour ce qui était du verset du Coran, أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. On s'aperçoit que pour ce qui est donc du texte même du Coran et donc de la construction, si le texte aurait prouvé qu'Allah Azzawajal spécifiquement de par ses mains il a créé Al-An'am, les bestiaux, Al-Siyaq, c'est-à-dire la façon de la construction, l'exposition aurait été la suivante, comme le dit le shir, Khalaqna lahum bi-aidina an'ama, bi-aidina, donc on voit ici le ba qui est utilisé ici, bi-aidina an'ama, Khalaqna lahum bi-aidina an'ama. Comme Allah Azzawajal il l'a fait et comme il l'a utilisé, c'est-à-dire dans sa parole, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayhi. Donc on voit ici encore le ba qui est utilisé, biyadayhi. Donc on voit que ici biyadayhi, il était donc transitif. Donc transitif bilba, par le ba, comme dans ce verset, an tasjuda lima khalaqtu biyadayhi, prouvant donc qu'Allah Azza wa Jalla a bien créé l'homme de par ses propres mains, et ses spécificités de par ses propres mains. Contrairement à ce verset où il n'y a pas le bas qui a précédé donc la main. Et que si il aurait été na'am, alors on aurait dit qu'il a créé de ses propres mains. Mais cela n'a pas été présent dans ce verset. Comme cela est clair lorsqu'on lit le verset en langue arabe. Et il nous dit le shir, al Qur'an nazala bil bayan, la bil ta'miya. Le Qur'an il est descendu en mettant en évidence les choses de façon claire, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Donc nous avons fait descendre sur toi le livre تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, comme un exposé explicite de toute chose. Donc ce qui est le texte qui est choisi par Allah Azza wa Jal, sa parole en langue arabe ici subhanahu wa ta'ala, elle est claire, elle est explicite, et Allah Azza wa Jal a choisi les termes précisément pour nous indiquer ce qu'il a voulu nous indiquer précisément. Comme nous a dit le chien, n'est pas descendu le Coran aveuglément, n'importe comment, ayadam billah, il est descendu précisément. Et donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il nous a cité ce verset de manière explicite, sans utiliser le bas, et qui va donner ici de la spécificité quant à la création par la main, c'est pour bien nous prouver que ce n'a pas été créé par ses mains, subhanahu wa ta'ala. Mais udif aliyad, c'est-à-dire c'était annexé aux mains pour prouver que c'est lui l'auteur subhanahu wa ta'ala, qui en est l'auteur, comme on l'a prouvé dans les autres versets du Coran également, qui allaient dans ce sens. Et il nous dit donc le shir, وَإِذَا ظَهَرَ بُطْلَانَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَنْعَامَ كَمَا خَلَقَ غَيْرَهَا وَلَمْ يَخْلُقَهَا بِيَدِهِ لَكِنَّ إِضَافَةَ الْعَمَلِ إِلَى الْيَدِ كَإِضَافَتِهِ إِلَى النَّفْسِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. Donc ici, un résumé de ce qu'on a expliqué. Si on s'aperçoit ici que le qawl al-awwal, la première parole, elle est plus que fausse, il est obligatoirement, on est obligé de prendre la deuxième parole, et qui est donc le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal, il a créé l'an'am comme il a créé le reste des créatures, mais que sa main a été annexée ici, ou ses mains ont été annexées à l'acte, dans le sens où cette annexion indique qu'il en est l'auteur, subhanahu wa ta'ala. Et comme cela donc, est une règle dans la langue arabe. بِخِلَافِ مَا إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى النَّفْسِ وَعُدِّيَ بِالْبَا إِلَى الْيَدِ وَعُدِّيَ بِالْبَا إِلَى الْيَدِ فَتَنَبَّلِ الْفَرْقِ فإن تنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم من أجود أنواع العلم وبه يزور كثير وبه يزور كثير من الإشكالات. Il nous dit le Cheikh, donc contrairement lorsque l'annexion elle est faite à la personne même, ici en l'occurrence Allah subhanahu wa ta'ala, wa'uddiya bilba, et donc ensuite wa'uddiya bilba il al-yad, et qu'ensuite on va trouver donc le ba qui va ici entrer, bien entendu par rapport à la construction, qui va entrer donc dans la main, al-yad, qui va donc précéder al-yad, wa'uddiya, qui va donc ici à la forme transitive, wa'uddiya bilba il al-yad. À ce moment-là, lorsque c'est fait de cette manière-là en langue arabe, on sait que l'auteur, il a bien fait la chose de par sa propre main. Comme dans le verset du Coran. On l'a vu dans le verset du Coran qui a été cité. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ. Donc on voit bien qu'ils ont écrit le livre de par leurs mains. بِأَيْدِهِمْ. طيب. Contrairement aux autres versets, comme à l'exemple, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. On voit bien que le bas ici n'est pas rentré dans le terme les mains. Donc ici, c'est clair pour bien comprendre la différence qu'il y a entre le verset مَا مَنَعَكَ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي, et que ça prouve la spécificité qu'Allah Azza wa Jal il a créé le par ses mains, et dans le verset أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِنَا أَنْعَامَهُ. Cela donc n'est pas la spécificité de la création de par la main, de par les mains d'Allah Azza wa Jal, mais que il les a créés, donc les bestiaux ici, comme les autres créatures. Et il nous dit le Cheikh de prêter une grande attention aux différences qu'il y a entre ce qu'on appelle bihat. Donc, les extrêmes sont très proches l'un de l'autre par rapport. Alors, c'est très proche. Ce qu'on appelle la mutashabihat, qui se sent de manière très proche. Il y a en réalité différence. Il s'occurrence niveau langage, niveau de la construction. Donc, le Cheikh, lui, fait vraiment attention à ça. Il dit, adjoua bin al-marim. C'est de la plus grande qualité des catégories. C'est ceux qui font pas d'intention. Bel et bien, différence entre ceux qui se ressemblent à la mutashabihat, al-furuq ben al-mutashabihat. Et nous dit, de par cela, il y a donc beaucoup d'ambiguïtés qui vont être dissipées. Lorsque l'art s'attend donc, et se concentre sur les différents niveaux de mutashabihat. Et ça, bien entendu, ça va prouver que la personne, lorsqu'elle fait cela, est distinguée contre le mutashabihat, atteint un grand niveau, dans le niveau de qualité, pour donc prouver au moins quelles sont les différences entre le mutashabihat. Ici, en l'occurrence, on voit que c'était une question de construction, quand, par rapport à la langue arabe, pour ce qui était de deux versets, et que si la personne, elle ne connaissait pas la différence entre ces deux constructions, ce qu'elles impliquent au niveau de la langue arabe, alors elle aurait pu se tromper et croire qu'Allah Azza wa Jal, il a créé, subhanahu wa ta'ala, les bestiaux, comme il a créé Adam, c'est-à-dire de ses propres mains. Donc on voit que c'est très important, il met l'accent dessus le Cheikh rahimahullah pour ce qui est de cela.